aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans la salle 5. Et pour vous présenter cette séance, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis aussi avec Victor. Bonjour Victor. Salut. Et enfin, nous sommes aussi avec Ève. Bonjour Ève. Eh bien bonjour. Merci pour ça. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'araignées et d'animation. Aujourd'hui, on va vous parler de Spider-Man. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque, et il rend compte à personne. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds, je t'aime. Non mais t'es sérieux? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. L'accélérateur de particules, tu connais? Tu vas adorer. Dimension en cours d'ouverture. Tu es comme moi? Comment c'est possible? Ok, petit gars, écoute bien. Cette frite, c'est ton univers. Toute molle, tordue et dégueu. Et cette frite, croquante et délicieuse, c'est mon univers. Alors tu veux devenir Spider-Man? Vous pouvez m'apprendre? Je peux faire ça. Place à la voltige. Wow! Bien, tu te débrouilles. Wow! Double clip pour libérer et flip. Tu relances. Ça marche. Balance. Et je libère. T'as un don. Balance. Salut les garçons. T'es qui, toi? Moi, c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre dimension. Mais il y en a combien des Spider-Héros? Salut les amis. Salut! Je crois que là, on peut pas faire plus bizarre. Oh que si, on peut faire plus bizarre! Eh ben, ça promet. Réalisé par trois réals, Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman. Écrit par deux autres mecs, Phil Lord et Christopher Miller. Spider-Man raconte l'histoire d'un tout nouveau personnage de Spider-Man. Mais je vais pas vous la raconter. Qui est-ce qui va nous la raconter? Et j'ai déjà choisi, ce sera Eve. Et non, pas Victor. Ce sera Eve. Et mince. Eh bien, le dernier Spider-Man parle de Miles Morales, donc, qui est ce nouveau personnage qui vit dans un univers où Peter Parker existe déjà, et mm-hmm. est déjà le Spider-Man actuel. Mais ça n'empêche que Miles Morales va quand même se faire mordre par une araignée et donc développer aussi des pouvoirs de Spider-Man. Tout en sachant que le Caïd a de noirs dessins en même temps et ouvre une brèche entre les univers, donc c'est un petit peu le boxon entre les univers et il y a plein de Spider-Man qui débarquent dans l'univers de Miles Morales. Très beau résumé, magnifique, avec le mot boxon à l'intérieur. qui veut nous dire ce qu'il en a pensé? Bah, Victor, vas-y. Alors, moi je suis assez impressionné par le film dont on n'entendait vraiment rien. Au départ, avant que la hype du film commence à apparaître via des critiques, via des retours qui sont apparus lors de sa sortie américaine, parce que quand je voyais les bandes annonces qui ont commencé à être dévoilées un an quasiment avant la sortie du film, moi j'avais juste l'impression qu'on allait avoir juste la même histoire que Spider-Man. Mais dans le cadre du dessin animé en fait, donc je ne voyais pas vraiment. Tu pensais que ça allait être Peter? Je savais que c'était Miles Morales, okay. Mais je me suis dit, bon, bah, on va juste raconter la même histoire que Peter Parker, mais avec ce nouveau personnage, dans le cadre d'un dessin animé. Je me suis dit, bon, bah, ok. Ouais. Et puis j'ai vu le film et j'ai fermé ma gueule parce que. vraiment, je suis assez bluffé de la réinvention perpétuelle que le film a sur cette histoire qu'on a, qu'on connaît tous en fait depuis des décennies, que ce soit mm-hmm. depuis les comics, soit depuis les séries d'animation, puis les films de Sam Raimi et même les films de Mark Webb pour les plus jeunes, ouais. Celui avec Tom Holland, ouais, c'est ouais. ça. Et non, c'est il y a vraiment une une dynamique assez folle dans l'animation du film. C'est, ça s'invente éternellement, en fait. Ça, c'est toujours un peu plus ou moins la même histoire, le même schéma narratif, mais on aura toujours, toujours quelque chose qui va nous surprendre, en fait, qui va nous bluffer, nous émerveiller visuellement. C'est... Alors, je l'ai vu un vendredi soir en étant un peu malade. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à être épuisant parce que le film fait quand même 2 heures. Ouais, et puis mais... l'animation, elle est sans cesse en train de bouger. Mais c'est quand même, un sentiment bon qui est un peu chiant ce moment, mais qu'au final, t'es content d'avoir parce que t'as l'impression d'avoir fait un grand vide en fait, que t'as pas envie que ça s'arrête en fait. C'est inventif, c'est super touchant, c'est drôle. Et il y a d'autres trucs à dire, mais je vais laisser la parole à Stéphane. Alors déjà on va partir du fait que déjà est-ce que t'as aimé okay. C'est j'ai même été étonné hein, finalement puisque je pensais que jamais on arriverait à faire mieux que ce qu'avait fait Sam Raimi avec Spider-Man 2 qui reste pour moi un des plus grands films de super-héros jamais fait mais on m'a prouvé le contraire. Déjà, c'est ce qui moi m'a impressionné, c'est les thématiques qui sont abordées dans ce Spider-Man là. J'aime beaucoup le concept du tout le monde peut être Spider-Man, et c'est vrai, c'est pour ça que selon moi Spider-Man c'est un des super-héros les plus intéressants, c'est que Peter Parker c'est un mec super banal, c'est un nerd. Mais du coup on peut tous s'identifier à lui, c'est pas comme un Tony Stark qui est, ou un Bruce Wayne qui sont tous les deux pétés de thunes ou un Superman qui vient d'une autre planète. Non, là on peut vraiment s'identifier à fond en Peter Parker, et ce qui est formidable c'est que le fait d'avoir autant de variations différentes de Spider-Man fait encore mieux passer le message. C'est un film qui est extrêmement touchant. J'ai pleuré 3 fois. Que 3 fois, c'est moi ce aussi, que tu m'as dit. Je suis sûr qu'on a sûrement pleuré pour les mêmes choses. Sûrement, ouais. Notamment ce qui se passe au bout de la 20e minute, on va dire, pour éviter de spoiler. Hein, je me souviens plus très bien. Je me souviens plus à quel moment j'ai pleuré. Avant nous chronométrer. Je me souviens plus de la timeline. Très bien. Je suis d'accord avec Victor à ce niveau-là, c'est un film qui est rempli d'idées. De mise en scène, les séquences d'action elles sont parfaitement découpées et ça fait du bien à voir, surtout quand on pour comparer avec un autre film de super-héros qui est sorti cette année qui s'appelle Avengers qui est découpé avec les pieds et qui n'a aucune notion de scénographie, là pour le coup là je vois vraiment un investissement total en termes de mise en scène et de découpage. Après c'est pas étonnant, un des trois réals c'est celui qui a fait Rise of the Guardians, donc les 5 légendes, qui était déjà excellent. Bon, en plus c'est un produit par Del Toro, donc bon, ça rajoute du potentiel. Et puis bon, on a Phil Lord derrière qui a fait les 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego, qui avait quand même réussi à prouver qu'on peut faire un film basé sur une marque et en faire une œuvre subversive. En fait c'est un film sur lequel je suis encore en train de réfléchir parce qu'il y a tellement de trucs qui m'ont bluffé, certains choix de mise en scène, le fait aussi que il y a un personnage féminin dans le film mais c'est pas un love interest. Ah oui putain, j'étais et ça pour le coup ça fait plaisir, ça fait du bien. Clairement. J'avais peur à des moments que genre ils étaient vachement proches, j'étais en mode oula j'espère qu'ils vont pas s'embrasser, et non ils s'embrassaient jamais. Il y avait une espèce de love interest mais voilà c'était pas dans les deux sens et ça n'avait aucun intérêt. En fait c'est désamorcé au bout d'un certain moment. Parce qu'elle est pas là juste en tant que la meuf qui sert à être le love interest, tu vois, elle a un intérêt autre que ça et c'est cool. Et puis en plus ils introduisent très bien les univers, les différents Spider-Man, t'es pas paumé, c'est-à-dire que même si tu connais pas Spider-Man, t'as quand même une sorte de résumé à chaque fois qui est compréhensible. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça prend pas. En même temps, il y a une voix off qui explique les choses, mais ça prend pas les gens pour les cons, parce que c'est un film à la fois. Enfin, C'est pas que un film pour enfants, mais la plupart des gens vont voir film d'animation, vont penser film pour enfants. Et du coup, c'est à la fois pas trop compliqué, mais à la fois pas super neuneux pour les enfants, en mode on t'explique tout. Il y a une voix off qui t'explique les choses, mais ça explique simplement rapidement pour que le grand public et les gens qui connaissent pas forcément Spider-Man et les BD et tout, ils comprennent. Et je trouve que c'était vachement bien fait. Et en plus, c'était beau. Bah, et puis en plus, moi quand je suis sorti de la salle, je l'ai comparé à deux films. Le Hulk de Ang Lee et le Watchmen de Snyder, dans le sens où c'est deux films live qui essayent de faire du comic book. Enfin, par exemple Snyder qui se, comme Rodriguez l'avait fait pour Sin City, qui se vante d'avoir juste décalqué les cases du comics, ou Ang Lee qui lui fait des transitions style comic book. Sauf que le problème, c'est que outre le fait que c'est ridicule et que ça, le problème c'est qu'un comics ça a sa propre grammaire, ouais, qui n'est pas du tout la même que la grammaire cinématographique. Là, pour le coup, comme c'est de l'animation, on a un vrai comic book movie, ouais. Et ça ne pose pas de problème quand je vois des cases de narration qui apparaissent comme ça d'un coup. C'est super bien amené, c'est super logique. Et c'est quelque chose justement qui colle bien avec l'animation, contrairement à un film live où là ça peut complètement te sortir du truc. Justement, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ont travaillé longtemps à essayer de faire un style d'animation, enfin de dessin, je sais pas si j'utilise les bons termes, Eve ne me tape pas. Non, c'est pas si bon. À trouver un style de dessin, d'animation qui rappelle le comics, mais en même temps qui soit pas trop 2D, papier décalqué, tu vois. Et ils ont fait un super taf. Il y avait plus de 140 personnes qui travaillaient sur l'animation. Oui, à la base, j'avais regardé aussi, j'ai fait mes devoirs, j'ai pas payé, mais j'ai fait un peu mes devoirs. En fait, à la base, ils avaient une équipe d'environ 60 animateurs, ouais, et ils se sont rendus compte que, vu l'ambition du projet, le mieux, c'était d'augmenter encore l'équipe d'animateurs. Donc, on arrivait à 142, un truc du genre. Ce qui est énorme, déjà. Sachant que, aussi, le film donc, fait 2 heures, ce qui est aussi énorme pour un film d'animation. Plus à la base, et qui devait être beaucoup plus long. J'avais aussi vu qu'ils avaient mis 1 an à faire une séquence de 10 secondes qui soit satisfaisante pour eux. Et à partir de cette séquence, ils ont travaillé sur le reste. Donc, vraiment, c'est très perfectionniste. Bon, après, voilà, j'ai lu ça... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du film ? Alors, moi, c'est beaucoup... Enfin, dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec Victor et Stéphane, parce que c'est vraiment hyper intelligent, ça se renouvelle, et je voudrais rebondir sur quelque chose de plus formel, qui est justement les bulles dont tu parlais, Stéphane, et aussi, il y avait les onomatopées qu'on voyait apparaître de temps en temps. Pas tout le temps, en plus, donc c'était vraiment pas abusif. Par contre, c'était... Enfin, je sais pas, c'était très discret, mais en même temps, on voyait, et j'ai trouvé ça... ça me rappelle vraiment les vieilles séries de comics animés où là, on avait les gros... les BAM et les BAM qui apparaissent en gros, et là, en fait, c'est juste tout petit, suffisamment pour qu'on comprenne que, voilà, c'est une onomatopée, c'est du langage de comics, et ça peut s'adapter à l'animation. Et les bulles, alors justement, du coup, je vais comparer encore avec un autre film de super-héros. Moi, les bulles, j'étais très très contente de les voir apparaître, parce que dans le cas de figure où elles apparaissaient, c'était notamment vis-à-vis des pensées de Miles qu'il trouvait assourdissantes, et donc du coup les bulles étaient un peu partout dans l'écran, ce qui prenait de la place visuellement aussi. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai regretté pour un film qui n'est pas ouf, mais qui est Deadpool, en fait, tout simplement. Oui, clairement. Et, alors, je sais pas du coup si c'est ce que je t'ai dit en plus. En film, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai regretté. C'est ce que je t'ai dit après. Ouais. J'ai kiffé voir un film Deadpool dans ce style d'animation-là par ces studios-là. Ça serait vachement bien, je trouve. Oui, parce qu'en fait, Deadpool, il suffit de lire les comics pour voir qu'il y a des bulles blanches, des bulles jaunes, et qu'on comprend que c'est jamais vraiment les mêmes modes de pensée, et que souvent elles se contredisent, ces couleurs-là, en fait, quand ils pensent vraiment des choses diverses. Et en fait, autant j'ai aimé par exemple dans Deadpool qui casse le quatrième mur, autant j'ai été déçue de ne pas retrouver ce code couleur ou ce code de bulle en tout cas qui apparaissent, que dans Spider-Man c'était vraiment hyper bien géré. J'ai beaucoup aimé aussi le rapport familial de Miles, qui est quand même assez important dans l'histoire. Et vraiment le fait qu'il soit scolarisé dans un lycée vraiment très très huppé, et qu'il aime pas trop parce qu'il se sent pas à sa place, et que lui il c'est un bon élève, mais voilà, il veut juste faire du graffiti et traîner le plus de temps possible avec son oncle. Il préférait être dans son lycée d'avant avec ses potes et tout, un peu plus pauvre entre guillemets, plus public, enfin, moins élitiste, quoi. Ouais, en voilà. Fait, il est de Brooklyn, ouais. Donc voilà. Et c'est aussi ça, c'est que Miles, c'est quelqu'un de relativement simple au final. Mmh. Et c'est ça qui fonctionne bien, et c'est ça qui le rend plus attachant, et aussi qui nous permet de s'identifier beaucoup plus facilement avec lui. Sinon, on n'a peut-être pas trop mentionné les différents types d'animation en fonction des différents personnages. Ouais, tu voulais revenir dessus. Je voulais dire que, enfin, tu peux le dire aussi, hein, c'est que chaque perso d'un univers différent a un type d'animation particulier. Par exemple, il y a Spider-Man noir, joué par Nicolas Cage en anglais, il faut le souligner, qui a un style totalement différent de Miles ou de Spider-Cochon, oui. Ou de Penny Parker même, qui alors, elle est en, ouais. En manga. Oui, alors voilà, c'est pas très radiophonique, elle a fait des guillemets avec ses doigts. justement, moi, Penny, c'est vraiment l'animation qui m'a un peu le plus déçue, parce que donc il y a vraiment ce côté manga avec donc son design, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait un genre d'effet 3D un peu étrange, un peu pas très chiadé en plus. Moi je l'ai trouvé un peu gênant, je sais pas, j'arrivais vraiment pas à me mettre dans l'animation de Penny. Par contre Spider Cochon justement qui faisait vraiment très Looney Tunes, c'est enfin qui était fantastique. Et Peter Parker, oh. Ouais. on nous dit dans la régie, dans l'oreillette. et Spider-Man noir qui a été coécrit notamment par un Français et qui est vraiment ancré dans les histoires noires des films 30, qui m'a vraiment beaucoup plu dans son animation. Justement, on nous dit encore une fois dans l'oreillette qu'à la base, c'est totalement inspiré des Looney Tunes. Oui, oui, justement. Ah bah il date des années 80-90. tu n'as pas lu ton texte. Certainement pas comme des doubleurs français. Il y a un Dazzle Fox à un moment. Donc, il le dit. Mais moi, justement, j'avais peur que ça fasse trop un peu... blague de... Parce que moi, j'aime pas trop les Looney Tunes. Bah, Victor, t'adores. Moi, honnêtement, avec Peter Parker, Il est doublé par John Mulaney en version originale, et moi qui ai regardé cette année sur Netflix les deux saisons de Big Mouth. Ça devait être un peu bah, forcément j'avais un peu la sale impression d'entendre Andrew et j'avais peur qu'on vire à la blague. Si vous n'avez pas la ref, je l'ai vu en VO aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, moi je l'ai vu en VF, du coup c'est vrai que j'ai pas pu faire le rapprochement. Si vous n'avez pas la ref, regardez Big Mouth. C'est trop bien. Stéphane, tu voulais rebondir sur Deadpool tout à l'heure, mais t'as pas eu l'occasion. Oui, non, je voulais juste dire que pour ça, tu joues au jeu vidéo. Hein, le jeu vidéo qui est excellent. Qui fait ça à merveille et qui est mille fois plus drôle et mieux fait que les films avec Reynolds. Bien sûr. Donc, je voulais rebondir sur un truc. Par rapport au fait, je repense à Nicolas Cage, ce qui est aussi bien pour le coup que ce soit un film d'animation, c'est que les acteurs prennent pas le dessus sur les personnages, parce que autant Tobey Maguire ça collait nickel, autant Andrew Garfield ou Tom Holland, c'est le problème, c'est que parfois l'acteur prend le dessus sur le personnage et ce qui fait que le personnage s'efface. Enfin clairement, moi je vois pas Tony Stark quand je regarde Iron Man, c'est clair, personne. Je vois Robert Downey Jr. et justement c'est pas le but. Et là ici, à part Nicolas Cage, mais bon, ça c'est que pour les méga fans de Cage. Enfin, moi quand il a paru, j'étais le seul dans la salle qui était mort de rire. Non pas parce que c'était Spider-Man noir, mais parce que putain, c'est Nicolas Cage. Donc, et je suis sûr que ils l'ont. Soit ils l'ont appelé, soit c'est lui qui a vu le truc. Il fait, ah les gars, prenez-moi. Parce que Nicolas Cage est un énorme fan de comics. Mm-hmm. Et on se souvient tous de la photo de Nicolas Cage. Surtout qu'il s'appelle pas Nicolas Cage pour rien, hein, puisque ça vient de Luke Cage. Ouais. Donc il a appelé un de ses fils comme Superman. Donc, à part lui. Il n'y en a aucun, c'est quasiment des gens dont la personnalité elle s'efface et qui à place incarne vraiment les personnages, tu te dis pas, ah tiens, c'est tel acteur qui joue. C'est quand même un gros lui. Cast en anglais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Chris Pine à la fin dans le générique. Chris Pine, en fait, il a fait le Spider-Man justement de l'univers de Miles Morales. Pas Peter B. Parker, mais Peter Parker. Ouais. Puis je pense que Y a Ma et Arsha Ali. Qui fait l'oncle de Miles Morales. Il y a Brian Tyree Henry qui a joué dans Atlanta. À chaque fois, j'ai l'impression que tu dis Thierry Henry. Il y a Thierry Henry qui double. Mais d'ailleurs, en français, il y a Giroud et Kim Pembe qui jouent des méchants. Et la VF, nous, on l'a vu en VF, et franchement, elle est pas mal. Franchement, mais moi, mis à part les méchants. Mis à part justement, le casting qui en pas VO, ouf. C'est aussi parce que le film parle aussi d'une nouvelle génération de héros, de plusieurs oui. univers. Et je trouve que c'est bien aussi que le casting ait vraiment pensé à ça. Moi, justement, je m'amusais vraiment pendant le film aussi, pour l'avoir vu en version originale, à essayer de reconnaître les voix, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment tout ce... Il y a vraiment tout un... Toutes les nouvelles générations dans les productions américaines et surtout comiques, je trouve. On retrouve Catherine Hahn qui double le Octopus. Qui double j'adore. Octopus. Et enfin, moi, j'étais super content de l'entendre. Mais on a aussi Jake Johnson de New Girl. On a Brian Tyree Henry. et Mahershala Ali, et c'est super quoi, entendre toutes ces voix qui est dans ouais. un film, surtout pour un casting qui est enfin pensé, qui est très bien pensé. Et moi, je voulais revenir sur un truc. C'est aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce Spider-Man, c'est qu'en fait cette année au cinéma, on a eu beaucoup de films qui se posaient la question de quel est notre rapport à la pop culture. Alors, on va éviter de partir non, sur oui. le bashing on d'un certain pas. Film avec Steven Spielberg, réalisé pas. Par Steven Spielberg. On aime tout le monde. Mais par exemple, soit t'avais le film de Steven Spielberg qui pourrait. T'avais dit un peu la dénoncer... même chose sur Under the Silver bah, Lake. Voilà, en fait, c'est que qui pourrait un peu dénoncer ça, mais qui se montrait, qui l'encensait au final et ça se montrait flou. Ou t'as Under ouais. the Silver Lake justement. Qui défonce cette question de la pop culture, mais le faisait de manière beaucoup moins accessible. Oui, c'est et là, dans Spider-Man, on a un film qui est une éloge à la pop culture sur ce qu'elle apporte de positive chez les gens, en fait, et qui le fait de manière claire, concise. Bah, et... c'est parce que, pardon, je te coupe, mais c'est parce que ça fait partie de l'univers du personnage principal. Voilà, tout c'est du ça. Coup, bah, c'est là, et c'est pas en mode... Regardez, il y a Chance the Rapper ou Childish Gambino, c'est juste, bah, c'est là parce que ça existe, c'est tout. Sinon, les glaces, elles sont pas ouf, d'après Peter Parker, mais ça, c'est voilà. Qu'est-ce que t'as dit ? Les glaces, tu sais, justement, bah, le fait de la pop culture où il dit, j'ai DBD à mon effigie, j'ai, ah oui, j'ai sorti mon album. La scène post-générique, on parle carrément de même, quoi. Ah oui, la scène post-générique, c'est trop méta, sans vous spoiler. Moi, j'ai apprécié la petite insertion de photos format portable. En plus, oui, format allongé, iPhone, tu sais. Avec une glace toute pourrie, avec la le tête truc de qu'il y avait Spider-Man genre sur Nine Gag. Les glaces, pas génial. Enfin, et d'ailleurs, très bien. En parlant de pop culture, je sais pas si vous avez remarqué, dans l'appartement de l'oncle de Miles, à un moment sur la télé, il y a un clip de Childish Gambino. Et c'est une ref à, déjà parce qu'il a joué ce personnage dans Spider-Man Homecoming, il avait joué Aaron Davis, et aussi apparemment, mais ça je sais pas si c'est des gens qui ont juste extrapolé ou si c'est vrai, parce qu'il a été super investi dans toute la campagne de fans et tout pour avoir un Spider-Man qui était Miles en fait à l'écran au cinéma. Du coup ça fait la boucle est bouclée. Et Stéphane, tu voulais dire un truc? Je t'ai perdu. Ben non, peut-être ton avis aussi quand même, parce que bon, on va bon. C'est pareil. Je pense que t'as bien aimé, mais. J'ai dès les premiers logos, je kiffais. Dès le logo Marvel, avec l'animation qui bouge et tout, qui change, j'étais conquise. C'était le film de ma vie. Je dis ça tout le temps. Mais franchement, je pense que c'est possiblement le meilleur film d'animation occidentale que j'ai jamais vu. Et c'est le meilleur film Spider-Man, en tout cas, que j'ai jamais vu, ça c'est sûr. C'est à la fois un film de super-héros, à la fois un teen movie, à la fois c'est un drame, enfin c'est plein de trucs mélangés. L'animation, elle se renouvelle tout le temps, vous l'avez déjà dit, c'est ultra travaillé, c'est super beau. Ça fait un petit peu mal à la tête si on est malade, mais c'est pas grave. C'est super intéressant, c'est super touchant, c'est bienveillant aussi, enfin genre c'est bienveillant envers les comics, c'est bienveillant envers les fans du comics et envers ceux qui connaissent pas trop le grand public, et tu sens que c'est des passionnés qui l'ont fait, tu sens que c'est des gens qui aiment vraiment et que ça a pas juste été fait pour le fric parce que les super-héros ça fonctionne. C'est enfin ouais, on a déjà tout dit je pense, et puis les et ça c'est totalement personnel, mais les en général les super... j'aime trop les super-héros et les comic books et tout parce que les messages que ça transmet, c'est des messages toujours super positifs, et là je trouve que ça le fait très bien, le truc, bah tu l'as dit Stéphane, le truc de tout le monde peut être Spider-Man parce que c'est un mec lambda, tout le monde peut mettre le masque, et aussi tout le message du faut juste sauter dans le vide, quoi. Faut juste tenter le truc, et ouais, si ça marche pas, ça marche pas. Je suis pas sûr en même temps qu'on peut tous tisser notre toile et grimper au mur. Alors attention, ne sautez pas dans le vide. ne reproduisez pas c'est ça. C'est métaphorique, chez vous. Bien sûr. Oui, c'est une métaphore, mais tout le message justement de il faut sauter dans le vide. Donc il faut se lancer. Entre guillemets, il faut se lancer, et au pire tu te rates et tu meurs. et c'est pas grave, et au pire ça fonctionne, et t'aurais pas pu le savoir si tu l'avais pas essayé. Enfin, je m'exprime très mal, mais tout ça pour dire que j'adore ce film. Et voilà, je vous recommande à 100% d'aller le voir s'il est encore en salle quand on publie cet épisode. Bah, surtout, thématiquement, il va parfaitement avec les Spider-Man de Rémy, oui. Et notamment le 2, de toute façon, sur le questionnement de aussi qu'est-ce que c'est un héros, qu'est-ce que ça implique, comment... Toutes les responsabilités. Voilà, les responsabilités qui est à partir de... en plus... Pas mal de blagues sont faites justement, ça, notamment sur le fait de il te faut un drame fondateur. On te renvoie à des trucs que t'as déjà vu, que tu connais dans Spider-Man, ouais. On te fait la vanne dessus, et pourtant, quand le truc arrive, alors que tu sais que ça va arriver, tu te fais quand même tu avoir. Tu pleures quand même, ouais, c'est et en plus, moi personnellement, le Spider-Man de l'univers de Miles, pour moi, c'est. Moi, la manière dont on me l'a introduit, c'est le Spider-Man de Sam Raimi. Donc, moi, j'ai déjà un attachement par rapport à lui. Puisque, bon, t'as quand même une vanne au début sur Spider-Man 3. Donc, j'avais oublié. Donc, qui a été fait un milliard de fois, qui me fera toujours à moitié rire, mais parce que je fais partie des rares personnes qui défendent Spider-Man 3 encore aujourd'hui. Et puis il y a une c'est ça le truc, c'est qu'il y a une sincérité dans ce film, il y a un amour pour le personnage de Spider-Man moi, qui tu est le sens. Pareil que chez Sam Raimi, et qui n'est pas là chez Mark Webb ou chez on va en reparler dans très bientôt des films, t'inquiète, tu pourras en parler entièrement des films de Mark Webb, parce que j'ai l'impression que tu les aimes beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce Spider-Man Into the Spider-Verse? Ouais, alors c'est juste un point inutile, hein, on s'en fout un peu, okay, mais c'est quand même grâce à ce film que j'ai kiffé une chanson de Post Malone, parce oui, que la BO d'habitude, est très d'habitude cool. Je ne supporte pas, et je trouve que la bande son du film c'est super, bah écoutez, et quand on l'écoute, on se sent bien. Et ils sont même allés jusqu'à sortir l'album de Noël. Ils ont sorti l'album de Noël. Ils l'ont sorti dedans, vendredi. Ouais. C'est. Ouais, bon, oui, un peu too much, mais. On te pardonne. Je voulais juste dire budget de 90 millions, oui. Pour l'instant. Recette 68 millions. Ça marche pas très bien en France, en France hein, par contre. J'allais en parler après. En France, ça marche pas de ouf. La dernière fois que j'ai regardé, il était à 100% sur Rotten Tomatoes et 4,5 sur Allociné sur 5. Donc il marche pas très bien, mais quand même, retour critique ouf. On a parlé du personnage de Miles Morales, que je trouve ça vachement cool qu'il a introduit au plus grand public. Parce qu'il n'était pas trop connu, surtout en France, en Amérique sûrement, parce que les comic books, c'est un peu plus populaire et un peu plus célèbre en Amérique. C'est un perso super cool, moi j'adore, je pense que c'est mon Spider-Man préféré. Bref, il a été créé par Brian Michael Bendis, donc un auteur, et aussi avec une dessinatrice qui s'appelait Sarah Pichelli, qui est hispanique et qui a insisté sur le fait que sa mère soit hispanique, et du coup on disait que c'était que le film était honnête et qu'on sentait la bienveillance, tout ça, et le personnage, il a été écrit dans la même optique, quoi. Et d'ailleurs, Brian Michael Bendis, il a consulté sur l'écriture du film, donc c'est peut-être pour ça que on ressent la bienveillance. Mais comme je viens de dire juste il y a 5 minutes, on va peut-être passer aux autres Spider-Man et passer aux autres films Spider-Man qu'il y a eu, parce que c'est un super-héros très reconnu et très représenté dans tout plein de films, de séries et de jeux vidéo. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Alors du coup, ça faisait longtemps, en tout cas je viens de le dire, que quelques fans, en tout cas moi et plusieurs autres fans de Spider-Man le comics, qu'on attendait Miles au cinéma, ou en tout cas une autre version du personnage que Peter Parker, parce qu'on a eu 10 millions de films sur Spider-Man et il nous fallait quelque chose de nouveau, et là on a enfin eu quelque chose de nouveau avec un nouveau personnage et un nouveau style de film, entre guillemets, donc un film d'animation. Et du coup je vous posais la question, est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire une adaptation de comics, de BD, de romans graphiques, peu importe, en film d'animation ou en live action? On en a un peu parlé tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez que c'est quoi le plus logique et où le truc qui sert mieux une adaptation de BD, en l'occurrence de super-héros, en l'occurrence de Spider-Man? Un bon réalisateur, c'est pas mal. Déjà. Ça. Quand on n'engage pas un tâcheron pour adapter un comic book qui déjà lit des comic books de base, ou alors qui a une patte, c'est-à-dire que tu peux être comme un mec comme Burton qui débarque et te fait un Batman à sa sauce alors qu'il n'était pas fan des comics. Après, tu peux aussi appeler quelqu'un qui aime vraiment les comics, comme un Del Toro, ouais, un Sam Raimi. Et puis après, tu peux aussi faire appel à des mecs qui n'ont jamais réalisé de blockbuster de leur vie et qui sont martyrisés par les producteurs derrière pour leur dire il faut faire comme ci, faut faire comme ça. C'est plus studio argent, tu vois, l'idée derrière. Et moins, je vais faire un truc que j'aime. Donc, parce que clairement, moi je vois encore des blagues aujourd'hui sur McGuire par rapport à son interprétation de Spider-Man, qui, moi je le trouve, qui est énormément touchante et vrai, et qui est 10 000 fois plus investi dedans que les petits mectons à qui on a demandé de le faire plus tard, parce qu'ils sont tout beaux, ils sont tout mignons, ils sont trop top délire méga groove. Parce que bah c'est ouais, mais non, moi je veux un nerd, quoi. Moi je veux un nerd qui n'est pas le gars le plus cool de la qui est pas le gars le plus cool du lycée. Je veux m'identifier à lui, je m'identifie pas à un Andrew Garfield personnellement. Andrew Garfield, vas-y Victor. Ouais, et puis le truc en fait, on peut prendre Spider-Man, on peut aussi prendre d'autres comics, mais c'est que maintenant en fait on pense plus, pour répondre déjà à ta question, je pense qu'on peut les deux en fait, l'animation et le film en prise de vue réelle peuvent être tout à fait gérables pour s'attaquer au comic book si on a un réalisateur derrière. Parce que... Ouais, idéalement, pour faire un film, il faut un réalisateur derrière. Non, un bon réalisateur, oui. En fait. Parce que... Ou quelqu'un qu'on pense bien. Et des fois, ça a des choix qui sont... qui n'ont aucun sens. Enfin, là, il y a une news qui est sortie il y a quelques semaines. On a demandé à Lucrecia Martel, qui est une réalisatrice de cinéma d'auteur. Généralement, c'est du plan fixe pour des films qui n'ont rien à voir avec du Marvel. Et on lui a proposé de réaliser le film Black Widow. Ah oui, c'est vrai. Sauf que. Voilà, mais est-ce que c'est encore des rumeurs, ça, ou c'est... Elle a elle-même dit qu'on lui a proposé ça, et surtout que Marvel lui a dit, on sait totalement que tu ne fais pas ce genre de film. Alors, on va s'occuper des scènes d'action à ta place. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est quand même aberrant à entendre. Ils engagent une meuf pour faire la réal, pour faire genre, regardez, c'est une meuf la réal qui réalise Black Widow. Et au final, les trois quarts du film, donc les scènes d'action, ce sera pas elle qui va les réaliser. Surtout qu'elle-même, elle a dit ça pour déconner, mais elle a dit un truc du genre, en fait, moi j'en ai rien à foutre du film. Moi, j'ai juste profité de la rencontre parce que j'espérais rencontrer Scarlett Johansson. Donc, c'est trop honnête. Le truc, c'est que voilà, faut penser à trouver des réalisateurs, des réalisatrices qui savent ce qu'est un comic book. Et le truc aussi, c'est que maintenant, on pense à faire des films de comic book uniquement pour des tendances. Là, cette semaine, on a eu le trailer du nouveau Hellboy. Stéphane se tape la tête contre la table. Non, mais il pas de Guillermo del Toro, et voilà, c'est clair que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de Guillermo del Toro qui revient, parce que là, on a juste quoi à la place? Hellboy, c'est devenu Deadpool, ou... Et genre, il est cool. Ou tu sais quoi, il est cool et il écoute du Billy Idol dans la bande-annonce, donc c'est trop bien et tout, tu vois. Il fait des vannes, il mange des curly. Mais pour revenir, parler aussi de films de super-héros un peu raté, on peut dire, il y a aussi, qui est aussi dans l'univers de Spider-Man, il y a aussi le Venom qui est sorti cette année. Moi, perso, je ne l'ai pas vu, et j'ai envie de le voir, parce qu'il a l'air très années 2000, et j'aime bien, en général. Ça fait pas 10 ans qu'on a que des films ratés, de super-héros. Je l'ai vu, le Venom, et là aussi, c'est du non-sens total, c'est... Tom Hardy qui bouffe des homards crus en les sortant des aquariums parce que c'est trop rigolo et qui se plonge dans les aquariums comme une baignoire parce qu'il a besoin d'eau. Venom, il devient gentil. C'est le pote... c'est, en fait, c'est un peu... Attends, la régie... qu'on appelle Anthony. Alors, en fait, juste pour parler de Venom, c'est qu'en termes d'écriture, c'est qu'ils ont pris... Le penchant des années 90 de Venom, en fait, c'est qu'il faut savoir qu'avant d'être... Et à la base, c'était un antagoniste. C'était le Némésis de Spider-Man, même si c'est pas vraiment un Némésis. Mais celui, c'est qu'ils ont pris le côté 90 des comics, où tout était très cool et où, justement, Venom était intéressant. Mais le problème avec le film Venom, c'est que, au lieu de prendre le parti pris des comics, qui parle notamment de drogue, qui parle notamment de... des SDF, là, Venom, c'est juste un imbroglio alien qui est là parce que, oh là là... Il va posséder un journaliste. Le souci, c'est que justement, tout l'arc de Venom et tout l'intérêt de Venom en Eddie Brock, c'est que c'est une histoire de rédemption. On parle d'un homme qui est mauvais de base et qui, au contact de Venom, qui lui aussi est mauvais, vont se retrouver et vont trouver qu'au-delà de la haine, il y a un objectif dans la vie. Et justement, ça, tout l'intérêt de Venom, c'est que Venom, c'est une histoire de rédemption. Et d'ailleurs, dans les comics, à un moment, il commence à choper le cancer et c'est Venom qui va revenir le sauver et qui va l'aider. C'est que là, mais évidemment, comme c'est un film grand public, blockbuster, c'est édulcoré. Ben, le truc, c'est que Eddie Brock, enfin, je me souviens de Spider-Man 3, où là, on l'appréciait pas trop, le Eddie Brock de Topher Grace. Sauf que là, on t'en fait un peu. Non, je vois Stéphane qui se fait, mais je dis, on l'apprécie pas dans le sens où il paraît méchant, un peu, tu vois. Alors que dans. Là, dans le Venom qui est sorti cette année. Ton Venom, enfin ton Eddie Brock, c'est juste Hugo Clément qui te fait ton reportage pour Combini. Oui, arrête. Ouais. Et en fait, il est pas fondamentalement comment méchant. Comment ça ? De quoi ? Comment ça ? Genre il est tout gentil et tout. C'est le journaliste. C'est le journaliste. Il est gauche. Il est complètement gauche et il a le désir. Il a le désir en gros de vouloir aller sur l'info, mais bon du coup il fait le con et bah par exemple comme il veut absolument avoir l'info et bah par exemple sa meuf va se faire virer de son boulot à cause de lui. Mais c'est parce que son ambition prend le pas par il a pas un cœur pur quoi. Oui, mais c'est pas quelqu'un de fondamentalement méchant non plus. Ouais, c'est juste qu'il est trop ambitieux. Il est à moitié. Mais oui, c'est vraiment très années 90-2000 dans le sens où ça se prend pas du tout au sérieux. Bah déjà et alors moi j'avoue je suis allée le voir sans grandes espérances et j'ai passé un bon moment. Mais dans oui, le sens c'est ça, où il a l'air divertissant. C'était divertissant, je le regarderai pas deux fois, mais c'était film de Noël, tous les Noëls. Mais c'était quand même un film assez rigolo avec un humour beauf et puis de temps en temps ça fait du bien pour se détendre quoi. Oui non juste pour rebondir un peu sur le Spider-Man 3 c'est que scénaristiquement il a énormément de défauts. Par contre d'un point de vue de mise en scène c'est rempli de scènes hallucinantes. Rien que la scène de l'apparition de l'homme sable, ça reste un des plus beaux moments réalisés en CGI qu'on a pu voir depuis ces 10 dernières années. Donc, sachant que ça a un tout petit peu vieilli, et pourtant, je ressens 10 000 fois plus d'émotion que devant tout le l'amas de CGI que je vois dans un Infinity War. Donc j'en ai marre de rager sur ça, mais à un moment il va falloir peut-être commencer à réfléchir sur les qualités de ces films qui en fait n'en ont pas tant que ça. Enfin déjà à partir du moment où tu ressens que Pouic quand tu vois les personnages de Marvel disparaître. Alors que. Mais ça, c'est parce que tu sais qu'ils vont revenir, c'est obligé. Mais non, c'est même pas une question que tu sais qu'ils vont revenir. Parce que. Tu peux être quand même touché. Regarde, E.T. il canne dans. Et pourtant, E.T. il ressuscite 15 minutes après, et pourtant, tu pleures quand même quand t'as E.T. qui meurt, tu vois. Alors que tu sais qu'il va revenir. On parle d'Avengers, au cas où vous auriez pas compris. Il y a tellement. Enfin, je sais pas, c'est tellement téléphoné, c'est tellement édulcoré et tout comme film que tu sais que les gentils peuvent pas mourir et que s'ils meurent, et bah, ils reviendront dans un autre film ou alors ce sera... ils vont rebooter le truc et tu les reverras et puis du coup voilà, tu il y aurait une Deus Ex Machina quelque part. Ouais, voilà. Bah, puis surtout, t'as aucun attachement émotionnel. Enfin, moi personnellement, il n'y en a pas un seul que je trouve attachant. C'est... J'avais... dans un film où il y a 10 000 personnages, c'est compliqué en même temps. Pendant un moment, j'avais une certaine forme de passion pour Captain. Et puis en fait, je me suis juste rendu compte que Chris Evans avec de la barbe, c'est juste The Ultimate Crush. Donc bon, du coup, c'est c'est pas le Captain qui est intéressant. C'est en fait. Chris Evans. C'est le physique du Captain hein, qui est intéressant. Mais enfin, Tony Stark, il est insupportable. Oui, c'est de pire en pire, film après film. Oui. Ah oui. Ouais, c'est pas le. Là, il était particulièrement pénible. Attention, c'est pas le podcast de on bâche les personnages Marvel. Attention. Mais ouais, dans un film où il y a vraiment beaucoup de personnages, c'est difficile de s'y attacher, surtout quand il y en a qui viennent d'être introduits et que tu connais pas. Ouais. Alors que dans un Spider-Man où il y a un seul super-héros que tu suis et qu'en plus qui est banal, qui est à ton niveau, tu vois, qui est simple, qui pourrait être toi, comme on a dit tout à l'heure, et ben c'est plus facile de s'y attacher. Bah, par exemple, tu vois, moi, là, tu te sens un peu mal, mais par exemple, je comprends pas pourquoi quand tout le monde me sort que. Oh là là, Monsieur Stark, je me sens pas bien. Tout le monde pense que c'est. Mais ça, c'est un mème aussi, c'est même pas un mais truc vraiment si, où les gens sont tristes. Tout le monde pense que c'est ultra triste. Tom Holland devrait avoir l'Oscar pour ça et tout. Ah, vraiment ? Il y en a vraiment qui pensent ça. Il y en a vraiment qui pensent ça. Ils rigolent parce que c'est un et mème. Tu dis, ouais, mais c'est juste forcé. T'as juste le seum de les voir disparaître, mais. Spider-Man par exemple, tu le vois disparaître alors que tu sais qu'il va avoir le Spider-Man avec Jake Gyllenhaal ça, qui arrive, plus. Bah tu c'est t'en ça. Fous au final. Ça... C'est qu'en plus on sait que derrière il y a d'autres films avec eux dedans, du coup. Bah... Surtout si c'est devenu un mème, c'est que voilà, c'est que ça marche pas quoi. Ça explique. C'est, j'ai envie de dire, si on se moque d'un truc qui est censé être émouvant, c'est que ça fonctionne pas. Ouais, après tout devient mème un peu. Hein. La régie veut reparler, l'oreillette, elle nous dit un truc. Puis en fait, le souci, c'est aussi en termes juste d'implication émotionnelle, c'est que le format film n'est pas adapté à une histoire comme le Thanos où tout disparaît parce que t'as pas eu le temps de t'attacher au personnage. C'est, que bah, c'est, si ça. C'est trop court. Si le sacrifice de Gamora peut marcher, ça peut passer. Mais le souci, c'est, par exemple, c'est que Spider-Man, on a eu quoi ? On a eu un film où on sait pas qui c'est, et on a eu un autre film qui torche la relation entre Spider-Man et Tony Stark, sachant que. Dans les comics, si un événement comme ça peut marcher, c'est qu'on a déjà 20 à 30 ans d'histoire derrière. Et que là, tu te dis qu'il y a une fatalité qui arrive. Là, on te cale plein de nouveaux personnages. Il n'y a pas de peur à ce qu'ils disparaissent. Mais là, le pathos ne peut pas marcher, en fait, vu qu'on n'a pas le temps de s'attacher à un personnage comme un comic ou alors une série pourrait nous le faire dans la durée, en fait. Dans Infinity War, je trouve qu'en fait, le seul... Enfin, moi, après, j'ai l'air... Au cas où vous auriez pas compris, dans cet épisode, on vous spoil complètement Infinity War, si vous on l'avez toujours pas vu. Alors, on ne spoil pas Spider-Verse, mais on spoil... Bah, Spider-Verse vient de sortir, Infinity War, il y a quelques mois. Le truc, en fait, c'est que, bon, moi, j'ai quand même apprécié étonnamment Infinity War, quand moi même. Aussi, il y a quand même des trucs qui fonctionnent dedans. Moi, en fait, je trouve que, émotionnellement, et dans la tâche, alors que c'est le personnage auquel on devrait pas s'attacher... Je trouve qu'il y a vraiment un truc émotionnel sur Thanos, en fait, mais qui c'est, marche. Oui, je suis d'accord. C'est, en mais fait, ils ont vraiment mis le paquet sur Thanos, mais c'est pas que sur les personnages principaux. C'est que justement, t'es en mode, est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a mais oui, non, mais non, il a pas raison. Fait, il a pas raison du non, tout. Non, mais je veux dire, t'as le truc de... se questionne, en fait. T'as le truc de... Au final, enfin, tu sais, c'est pas genre, c'est pas un méchant, genre, oh, je suis méchant, je veux plein d'argent. Il a une raison, enfin, il est écrit, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et du coup, tu te poses des questions, et après, du coup, tu te poses des questions sur ta propre moralité. Alors que chez les autres personnages de Marvel, bah, il n'y a pas d'implication. Enfin, je pense que nous, après, on l'a tous vu le film en se disant, avec leur le ton un peu ciné, en se disant, ouais, mais ils vont revenir, il y a une suite, puis on va annoncer Black Panther 2, c'est puis ça, on va aussi, annoncer Spider-Man savait, 2. Et le truc, en fait, c'est que quand on l'avait vu, je me souviens qu'il y avait dans la salle des tas de gosses et tout qui étaient en PLS en mode... et tout. Et là, à la rigueur, je me dis que pour un jeune public, ça peut marcher. Et que ça... Stéphane a l'air désespéré. Ça dit pas que ça en fait un grand film, non. Mais ça marche sur une tranche de public. Voilà. Mais en vrai, ça a marché sur moi, mais c'est aussi parce que je suis fan de comic books, de Marvel et tout. Et du coup, même en sortant du film avec Eve, on avait plein de théories, on était en mode oh, mais il pourrait se passer ça et tout. Qui et du coup, c'est passeront pas du tout. Mais on sait pas, on sait jamais. Laisse-moi espérer. On espère. Mais enfin, ça a peut-être pas été le film de l'année, ni le film de super-héros de tous les temps comme Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin New Generation en français, peut l'être. Mais enfin, il y a un truc qui fait que il te divertit, enfin moi il m'a diverti et en plus il me donne de l'espoir et il me donne des trucs, enfin le, je sais pas comment expliquer, le fait que il existe en fait me donne de l'espoir sur ce que peut être la suite et c'est, je l'avoue, c'est un truc totalement de fangirl et de juste j'ai envie de voir des personnages que je connais en BD à l'écran et ça m'apporte rien au final, mais c'est juste parce que j'ai envie, c'est tout. Et d'ailleurs, en parlant de BD, on va revenir sur la question initiale parce qu'elle a pas pu répondre. Oui, c'est vrai, j'ai pas répondu. Donc du coup, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un truc qui est mieux entre animation ou live action, Alors je suis d'accord pour le postulat du réel, hein, je vais pas contredire ce que Stéphane et ce que Victor ont dit. S'il y a un bon réel aux commandes, il n'y a pas de raison que ça marche pas dans les deux sens. Après, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire, parce que au final, je reviens sur aussi ce que Stéphane a dit vis-à-vis des scènes de combat. Là, les scènes de combat en animation, on peut les chorégraphier comme on veut, il n'y a pas de souci, puisqu'au final, ça reste de l'anime. Et après, il faut bien le chorégraphier, bien sûr, mais je pense que c'est plus simple de chorégraphier une scène d'animation, donc qui est du coup dessinée et travaillée, ouais. Voilà, que une scène de combat où il y a je ne sais combien de figurants avec une caméra qui vole un peu partout. Et je suis d'accord aussi pour dire que c'était un peu chaotique. Moi qui suis un peu myope pour Avengers 3, c'était un peu chaotique. Je comprenais rien à ce qui se passait dans les scènes de combat. Mais après, moi je suis séduite par l'animation. C'est complètement subjectif aussi vis-à-vis du dernier Spider-Man, mais parce qu'ils ont vraiment fait en sorte de se rapprocher autant que faire se peut des techniques de comics, donc différentes techniques, hein, il n'y en a pas qu'une justement. Mais je pense rien qu'au côté un peu tramé avec les points qu'on voit de temps en temps dans l'espace, ou alors sur les personnages, ou alors dans les ombres, enfin voilà, qui rappelle les techniques d'impression des tout premiers comics où c'était vraiment fait avec des points de couleurs et quand les points se mélangeaient, ça faisait d'autres couleurs et voilà. Mais après, pour moi, ça dépend ce qu'on veut en faire au final, parce que ça c'est peut-être quelque chose que je me traîne depuis que je suis toute petite, mais j'ai toujours trouvé que les films c'était vachement plus sérieux que quelque chose d'animé. C'est une idée préconçue. Oui, voilà, c'est une idée préconçue. Quand j'étais petite, j'aimais pas les films en live parce que je trouvais ça trop sérieux et ça m'embêtait. Du coup, je me demande est-ce que au final, on pourrait pas faire un côté un peu plus dark avec quelque chose en live. Mais je sais tout à fait qu'on peut faire quelque chose de très dark en animation, mais je suis un peu... Mais d'ailleurs, pour revenir sur les entrées françaises du film, c'est un peu pour ça qu'il a moins marché, parce que la plupart des gens, surtout en France, parce que il y a moins la culture des comics et tout, tu vas voir un film d'animation, tu vas dire c'est pour les gamins, du coup il y a moins d'adultes, ou il y a moins de, enfin je sais pas, c'est peut-être... Moi c'était un peu tristoun, parce que quand j'ai vu le film, je l'avais vu à l'UGC dans la plus grande salle du ciné un soir, et d'habitude c'est là où il y a le plus blindé, de gens, et on n'était pas beaucoup en fait dans la salle. Et il y en a qui sont même partis en cours de film en fait. Putain, et genre, j'ai des proches, j'étais là, genre, mais. Non, mais je suis outré. Alors que par exemple, je vais voir Aquaman. Deux, trois jours plus tard, je vais voir Aquaman, tu vois, et c'est pareil. Il y a Pitbull dedans. Il y a cette salle pleine. Il y a Pitbull dedans. Non, qui chante. Ah, un peu déçu. Moi perso, le Spider-Man, il n'y avait pas un seul gamin dans la salle. Bah oui, moi non plus, mais je me suis dit peut-être que. Est-ce que c'est pas plus public de niche du coup? Tu dis que c'est peut-être un truc pour enfants, et après tu vois que c'est je sais pas, c'est pas genre tu sais, les As de la Jungle, une connerie comme ça, et tu te dis peut-être. Mais oui, mais en France, non, mais ce que j'analysais, c'est ils ont la culture comic book, nous on l'a pas. Ouais, et nous on l'a pas, et du coup les parents ou le grand public vont voir ça et vont se dire soit c'est un film pour enfants, je m'en fous, c'est pas pour moi, je vais aller voir Aquaman ou Venom ou une autre connerie, et les parents ils vont se dire c'est pas le Spider-Man qu'on connaît, ou alors c'est pas des dessins normaux, entre guillemets, tu vois, je sais pas. Il est sorti au même moment où il est sorti au même moment où il y avait déjà il y avait Aquaman une semaine après, et puis il y a aussi dans l'animation, on a aussi le Astérix d'Alexandre Astier qui peut être aussi, on peut poser ces mêmes questions par rapport à l'animation de ça. Puis, il y avait, alors c'était quoi l'autre film d'animation? Il y a Rémis en famille aussi qui cartonne, alors je n'ai pas qui n'était pas un film d'animation par contre. Mais qui est un film pour enfants, pour la famille. Ouais, adapté, et... On me dit alors dans l'oreillette, pardon, on me dit dans l'oreillette que la régie aimerait nous parler du personnage de Miles. Parce qu'on n'en a pas assez bien parlé. Alors en fait, c'est que ce que je trouve très drôle à vous entendre parler, en fait, c'est que Spider-Verse en fait, est très méta, mais en fait, juste dans sa réception auprès du grand public. Et je pense que c'est un film qui, bien qu'il ait une très bonne estime critique, va avoir une estime du public d'ici peut-être 5-10 ans. Parce que, en fait, je vais faire une petite histoire du comics. C'est vas-y, fais-nous une petite histoire. Il faut savoir, c'est que dans le monde des comics, on a ce qu'on appelle la continuité. Et que donc, bah. 50 ans d'histoire, d'event, ça commence à devenir lourd. Il y a d'ailleurs eu D'ailleurs, Spider-Man, c'est l'exemple parfait de ça, avec des retcons, des éléments qui ont été annulés parce que les fans, ça leur plaisait pas, ou simplement parce que c'était un petit peu trop le bordel. Par exemple, la mort de Tante May à une époque. Mais c'est pas le sujet, c'est que juste dans les années 2000, a été mis en place ce qu'on appelle les Marvel Ultimate, qui était une toute nouvelle gamme de comics, qui était justement... Qui était ultra charmé d'ailleurs, et qui était justement mis en place pour redorer le blason de Spider-Man, mais aussi fournir une nouvelle continuité. Et justement, c'est que je pense que Spider-Verse, c'est aussi ça, c'est la nouvelle gamme de films Ultimate, notamment avec les trois spin-offs qui ont été annoncés sur Spider-Gwen, sur... Oui, c'est vrai. Et justement, ça, c'est que je pense que le plus important à se dire, c'est aussi ça, c'est que... le film Spider-Verse, c'est aussi une nouvelle porte d'entrée dans le monde des comics au cinéma, en prenant quelque chose de plus neuf, mais aussi quelque chose qui se tient parce que c'est un tout nouvel univers. Et juste la volonté d'introduire les univers parallèles, ils comprennent ce que c'est, ils comprennent vraiment ce qu'est l'univers des comics en disant que c'est des univers parallèles et ils prennent ça au sérieux. Juste Peter Parker, l'inclusion de Peter Parker aurait pu être vue comme Casey Ward le canard dans les films Marvel, sauf que là, ce n'est pas cynique, c'est que là, il y a vraiment un amour du personnage de Spider-Man et juste caser le Spider-Man japonais, c'est aussi une très belle référence à ce qu'a fait Marvel il y a quelques années, un truc absolument dégueulasse, c'était essayer une animation japonaise avec son pied Marvel. Ah oui, putain, c'était on se souvient tous de Wolverine sur Game 1. Blade. C'est trop laid. Wolverine sur Game 1, Blade, ou même le très mauvais Iron Man qui ne comprend pas l'univers des mechas mais essaye d'appliquer l'univers des mechas. Mais ça aussi, c'est que je pense que les mecs derrière Spider-Verse sont des amateurs de comics et avant tout sont des amateurs de Spider-Man et comprennent la mythologie de Spider-Man. C'est que la relation de ce que j'ai vu entre Peter Parker et Miles Morales est aussi une relation très intéressante, tout comme l'inclusion de Gwen Stacy. Parce que là, ils comprennent la mythologie de Spider-Man et ils comprennent aussi que Spider-Man, c'est un personnage qui a vécu mais qui peut être aussi retrouvé dans d'autres personnages, parce que Spider-Man, c'est une idée aussi. Et voilà, c'était tout pour moi. Spider-Man, c'est très bien, manger des fruits et légumes. Merci la régie. Merci, et n'oubliez pas de vous hydrater. Et c'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous recommandez le film? Et votre Spider-Man préféré? Allez, comme ça, Eve. Spider-Man en film ou en personnage? Comme tu veux. Ah bah alors du coup en film celui-ci, Into the Spider-Verse ou New Generation in France, en français. Donc ce qui est parfaitement logique d'ailleurs de remettre de l'anglais, mais voilà. Et en personnage Spider-Man, moi j'ai un petit faible pour Spider-Gwen, mais de manière plus générale dans les comics, je préfère Spider-Woman. Victor? Les personnages, j'ai pas trop de choix à dire sur les personnages en fait, parce que c'est plus ou moins les mêmes... personnage avec la même particularité tout ça, mais dans le cinéma c'est celui de Sam Raimi, Peter Parker qui écoute du Coldplay en faisant du skate par Mark Webb, ça me plaît pas trop. Et d'ailleurs je vais juste dire un truc, moi j'ai bien aimé Spider-Man Homecoming avec Tom Holland, voilà, moi aussi. Bon, d'accord. Voilà, voilà. Mais c'est pas mon préféré. Et est-ce que tu recommandes celui-là ou pas? Oui, naturellement. Je pense que ce sera un peu chelou que je dise non après. Non. Tout bien. Regarde pas cette merde. Et toi, Stéphane? Je le recommande aussi. Et bon, on a vite compris que mon préféré c'était le Spider-Man 2 de Sam Raimi, hein, de toute façon. Moi, j'aurais dit celui avec Andrew Garfield, mais je suis pas sûr. Est-ce que la régie veut nous dire alors, son Spider-Man préféré? Je dirais juste qu'en termes de Spider-Man, en fait, c'est que tous les Spider-Man de toutes les époques ont un intérêt. C'est que même si on peut se montrer très cynique, je pense que si on veut vraiment capter qui est Spider-Man, il faut aussi bien lire les comics Ultimate, que la série d'animation des années 90, qui avait d'ailleurs un super générique. Mais surtout, en fait, c'est que Spider-Man, il faut le voir à toutes les époques, parce que Spider-Man, peu importe l'époque, est pertinent, en fait. Ouais. C'est que ça peut-être le souci avec le Spider-Man de Tom Holland ou même avec Andrew Garfield, c'est qu'ils ne sont pas pertinents pour la jeunesse de notre époque, parce que bah, celui d'Andrew Garfield, c'est un BG. Je suis désolé, c'est aussi à mode des comics books où tout le monde est BG, tout le monde sent bon, tout le monde fait du skate, tout le monde est populaire. Et Spider-Man, ouais, d'ailleurs, est un gros fils de... est un gros con avec sa copine. Ouh, c'est bien rattrapé, c'était limite. Mais surtout ça, c'est que Spider-Man, faut le lire à toutes les époques, c'est que Spider-Man, c'est aussi bien pour le gamin afro-américain qui se trouve pas sa place dans la société, que le nerd qui est timide avec les filles mais qui peut avoir de grandes choses, que n'importe qui. Spider-Man est intemporel et il faut donc consommer tous les Spider-Man. Et d'ailleurs, les jeux de PS1 sont très bons, avec un très c'est bon doublage. Très beau. Et c'est ce que j'allais dire. Le jeu de PS4 qui est sorti récemment est très très très très très très très très bien. Et moi, je vous recommande ce film, évidemment. Et c'est aussi mon Spider-Man préféré, ça tombe bien. Et en personnage, Miles, Spider-Gwen ou Spider-Woman, je sais pas, j'hésite. Enfin bref. On vous recommande ce film, on vous recommande aussi peut-être de vous intéresser aux comics si vous avez envie d'ouvrir vos horizons, d'étendre vos horizons. Et on va se quitter avec une magnifique musique de ce film qui est la musique de l'album de Noël de Spider-Man. Ça vaut pas Pitbull pour Aquaman, hein, je suis désolé. Qu'on vous recommande aussi parce que Pitbull qui fait une reprise de Africa de Toto, ça vaut tout l'or du monde. Je savais pas. Enfin bref, on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Check it. Check it out. Joy to the world that I just saved. You walk and sleep soundly. I'm always on the clock, vanquishing that clock. And then the way I swing. Okay? www.gofundme.com/spideywebfluidfund. Help me get to 1,000. Thank you.